étage, un bébé qui pleure, un truc, parce que le délire c'est les sirènes du charbon. Ouais. Genre quand un bébé il naît, tout ce qu'il envoie vers le bordel, vers le vol, vers le braquage, vers tout ça. Ouais. Pas tout le morceau, pas tout le morceau. Ok, je t'écoute. Toi. Ah. Ça devient de plus en plus tard, résister à faire une dinguerie sur ma tête. Tard, passer à côté des cagoules à 2 euros plus. Combien de temps chez Ab? C'est peut-être soir, c'est que je vais me braquer. Le dat du 3ème âge, en bas de chez Watt. Tout va dépendre de mes freins, c'est pas Fleury qui m'effraie. C'est la santé de la daronne, mon frère. Mon ange de gauche débloque, je suis choc, j'aurais dû être orphelin. J'aurais tapé des fours comme je vais au choc. Putain, je suis un trop bon blackos, naïf sur les bords. Tenir un carreau, ça change rien, les juges m'a l'œil. Comme un con, je reste rez-de-chaussée à presser les boutons. Le MEDEF a déjà sa beauté, l'ascenseur social. Le foot, la clé, trop vieux, trop flemmard, c'est mort. Pouvoir d'achat continue son harcèlement. J'ai volé au truc, j'ai pris de la drogue. Je suis comme un des mortels, j'avoue, j'ai rien à dire. Super speed, pour ceux qui comprennent qu'on trouve pas le bonheur dans les petits jobs à 2 balles. Tu vas me suivre dans ma logique, à la maternité. L'occasion douce et tes vierges, choque-moi. Dis-moi qu'on est gros que je t'emmerde. Dans les coins oubliés, les appels en détresse, quoi. Va chercher les sous, oublie pas que Nino Brown est mort. Wesley Snipes, il chie des millions de dollars. La diplomatie, ça pousse au pas le tringage. Suis mal, ma gueule, tu vas comprendre. Un fils de pute a fait sentir le froid glacial du nard sur la tempe à mon daron, au distributeur BLP. Juste quand elle allait récupérer sa carte, ils ont plus rien à foutre dehors. Mais qu'est-ce que tu veux que je me plie en carte? Tu risques de se manger un carte, Jackie. J'ai un compte en banque à te payer, pardonne-moi. Le bénéfice de mon fils de Samsung, c'est juste assez pour squatter le couple, le cœur et le KFC. Y'a rien de charmé, respire. J'ai la folie des grandeurs, la putain de ma race. Tu vois ce que je veux dire? Je risque de me mettre dans la dos, esquiver la tôle, exhiber les clés de ma Lamborghini, Porsche Largo. Claire Chazal l'a dit, dans le Val de Marne, ils sont spécialisés dans les braquages de banque. 9-3 chic, violence urbaine, 9-2 drogue dure. C'est là-bas que tu vas trouver les plus belles voitures. Tout valoir à comprendre, pas de tasse, pas d'oseille, pas de vie. Tirez du charbon. En fait, t'as vu? Tant que les sociologues comprennent Paris peine dans le trafic d'amphétamines, dans le trafic d'extas, que voilà ma armée et les gosses dans la racharge qui s'accrochent. Parce que les conseillères d'orientation, elles fausses les donnent, on grandit vite quand le daron peut pas chiffrer les Nike. Je connais pas des boueurs riches, goûte au luxe le temps de te faire péter par ces bâtards au gyrophare. Nique pas ton temps à te goumer, ça traîne, ferme ta gueule, il va chercher le rond, y'a que ça de vrai. Ah. Original bombastage. C'est de la bombe, mec.